matin, alors je me bois. Ça dépend un peu comment je me sens. Je bois. Il y a des fleurs qui sont passées, les fleurs de poudrier. Ça, il me dit, là, c'est plantes de poudrier. Tu ramasses, et c'est des plantes, c'est des fleurs qui tiennent bien, ça vient, que ça semble du tabac après. Vous en avez? J'en ai ramassé, là, ça. C'est pas ça. Ah oui. Ça semble du tabac. C'est pas encore 50 degrés. Et alors, on va monter le but de baisser. Et c'est légèrement provocatif. Ah oui. On était compté déjà, j'ai fait tremper dans l'eau de vie, j'ai fait des drogues. Parce que je suis aussi droguiste. Ah bon. Le matin, vous prenez toujours une infusion alors? Oui, en principe, oui. Ou bien alors, je déjeune. Une gousse d'ail et puis l'infusion? Ah, d'abord, ça commence toujours par la gousse d'ail. Et la fusion, ça dépend de ce que vous avez ou c'est par vous? Et les fleurs d'aubépine. Parce que l'aubépine, c'est pas la même que le prunelier. Aussi, ça, c'est plutôt pour le cœur, ça. Et puis le genièvre. Ah, le genièvre, c'est encore une plante des plus. Favorable, le meilleur. Il faut quand même peut-être pas trop exagérer. C'est très bon pour le. Ça dissout les calculs de la bile. Et le genièvre, c'est des fruits que vous prenez? C'est des boules de genièvre, là, qu'on trouve. Comment là, vous voulez faire. Et le genièvre, vous le faites aussi avec l'alcool ou ah, vous oui, faites oui, autrement? Oui. Et l'alcool? Mais je mets. Un peu de mûre, de graines mûres, puis des vertes. C'est un peu. Ça diffère un peu le parfum. Donc, ça, tout ça, c'est des choses que. C'est bon, enfin, quelqu'un, ou bien alors, si je suis malade, moi, je ne mens pas. On ne peut pas s'aboutir à boire des choses comme ça. Il y a quelqu'un, attends, on trinque. Mais tout, parce que des fois, il dit, attends, je l'ai dit, il y en a quelqu'un pour trinquer un peu, pour aller tomber. Parce que je ne peux pas s'amuser à boire. Je vais vite m'abrutir. J'en vois de l'abruti. Moi, si j'avais voulu m'abrutir, j'aurais pu m'abrutir. Je m'en serais abruti, mais il ne faut pas suivre ce chemin. Parce que le tout, c'est de ne pas le prendre, le chemin. Parce qu'après, une fois qu'on l'avait pris, on ne l'arrêtait pas. Et dans les herbes, les fleurs, tout ça, vous ramassez aussi des choses? Ah, ben, l'aigre-moine. Alors, ça, c'est une plante exceptionnelle. Hein. C'est un antiseptique très puissant, comme il me disait. L'herboriste M. Grivan. Et effectivement, c'est une plante qui m'a sauvé la vie plusieurs fois, ça. Ah oui. Ah oui? Je suis un gros imprudent, on sait. Et il m'arrive quelque chose. Une fois, j'étais. Un morceau de bois m'a tapé là. Qu'est-ce que c'est que vous avez tapé? Un morceau de bois m'a tapé. Tu me fais solo le mot. Et. Mais là, je suis persuadé que c'est ça qui. Qui vous a guéri? Et vous avez soigné quoi encore avec les gros moines? Une fois j'ai un ami qui venait là. Il venait faire le jardin avec moi. C'était fait garde chasse. Il est maintenant. Il vient, il me dit, c'était un conseil pour mieux la pomme là. Et puis, on avait dit qu'on allait chercher le plan, il est venu, on était allé chercher le plan, il a voulu m'aider à planter. Mais je voulais qu'il mangeait du cinéma. Alors je lui ai dit quand même, il ne faut pas rester comme ça. Je vous dis, vous allez prendre cette plante, vous allez faire bouillir et vous prenez un bain un peu chaud. Mais il ne faut pas vous fuir là, hein. Il faut faire la piqûre des tétaniques, parce que vous serez haut. Bon, donc je lève aussi un sang très, très fort, le type. Il me dit, le lendemain matin, dans la nuit, il aurait dit que ça tirait, il avait déjà l'impression. Le lendemain matin, il y avait une boule blanche. Une boule blanche a crevé. Mais la piqûre du Titanic, peut-être il peut parler depuis, mais pas pour ça. Là, et là, c'était aussi l'aigre moine. Ah oui, parce que c'était fatal, c'était sûr, ça. Et pour en revenir aux plantes, est-ce que vous faites des cures de printemps avec non. des plantes? Non, je suis pas trop partisan. Il y en a qui disent qu'il faut faire des cures, mais je suis pas trop partisan de faire des cures. Je suis plutôt partisan quand on, sans en avoir besoin, on en fait un traitement, on en prend deux ou trois jours, justement. Une plante, une feuille qui est très bonne alors pour le rhumatisme, c'est la feuille de frêne mâle. Mâle ? Frêne mâle, parce qu'il y a deux qualités de frêne. Moi, je croyais que le frêne était hermaphrodite. Ouais. Mais c'est pas vrai. Il y a le mâle et le femelle. Et il faut les ramasser à maturité et avant que la sève descende. Bon, ça, j'en ai toujours. Et alors, pour le rhumatisme, pour moi, c'est infaillible pour le rhumatisme. Hein. Je suis rhumatisant, je fais le sceptique, je fais comme ça, arrête, j'en bois un jour ou deux, pas plus. Vous la buvez en... Alors, à la place de café le matin. Ah oui. Ça, c'est toujours, c'est mes remèdes, ça. Ou bien le genre. Vous faites bouillir la feuille ou vous la faites en infusion? On la laisse un peu bouillir, comme on fait une infusion, quoi, des fois. Je vois que ça. Le tout, c'est d'avoir les feuilles ramassées et séchées quand il faut. Il faut sécher l'homme. La feuille de frêne, on l'utilise aussi pour autre chose? Moi, je l'utilise pour ça. Ils sont où les frênes ici? Où de la porte. Ah ouais. Et quand vous avez la grippe ou quelque chose comme ça? Ah, un remède infaillible pour la grippe, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est de se gargariser avec l'eau de vie. Ah, mais c'est vrai? C'est vrai. Seulement, voilà, se gargariser jeune, mais il ne faut pas l'avaler. Il y en a qui gagnent et puis voilà. Ah oui, oui. Alors vous l'avez géré l'estomac. C'est ça qu'il faut faire gaffe. À moi, la grippe, ça. Et quand il veut le vacciner, ok, j'ai pas besoin. Vous êtes jamais vacciné comme ça? Non. Pour la grippe, c'est le seul remède que vous faites. Ah oui. Il n'y a pas de plante. Les eaux de vie, alors c'est très bon quand on a froid. Quand j'arrive que j'ai froid, par exemple, une infection. Parce que souvent j'avais mal au genou, souvent. Et maintenant, c'est-à-dire quand je travaille plus. Mais des fois quand j'arrive à la fin, je fais réflexion à les genoux, c'est bon, ça réchauffe. Non. Voilà. C'est le remède naturel, ça. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça? C'est des feuilles d'orange, ça? Feuilles d'orange. Ah, c'est bon aussi pour la revanche. Hein. Et les feuilles d'orange, vous les ramassez à un moment particulier? Oh non. Quand j'en ai plus, je vais ramasser là, je n'en ai pas ramassé. Il y en a pour tourner ça. Mmh. Et toutes ces plantes, alors vous les ramassez, vous les faites sécher? Ouais. Et après, vous les mettez dans les boîtes pour en avoir? Pour attendre d'avoir besoin. Et dans les plantes que vous en cultivez dans votre jardin, les plantes médicinales? C'est que des plantes que vous ramassez? C'était le petit chêne, par exemple. Ah, c'est un dépuratif, ça. Ah, une autre dépuratif qui est très bon aussi, la bardane. La bardane? Oui. Comme dépuratif? Oui. Mais c'est la racine, ça. Et la racine, alors vous la faites bouillir? Ah oui, c'est pareil. Bouillir.